On va parler avec François Laberge, qui est le porte-parole du sport étudiant au Cégep de Jonquière, pour avoir un peu sa réaction face à ce qui s'est passé hier, la décision du premier ministre François Legault de permettre du sport scolaire le 15 mars. Ce qu'on apprend ce matin, c'est très, très limité. On en parle avec François Laberge. Salut, François. Salut, Danny. François, une question politique. Moi, je te l'ai dit, faut pas se laisser berner. Hier, c'était mes premiers commentaires, parce que je disais que les gens, à quelque part, ce gouvernement-là n'est pas trop stable. Ben, ça a été confirmé pas mal ce matin, quand on a vu que, finalement, ben, c'est rien que dans une bulle. C'est dans la même bulle. Donc, en réalité, là, ça donne pas grand-chose. Ben, en fait, ça limite beaucoup, puis c'est aussi la formule, leur progression de retour au jeu, c'est une formule DIAB. Donc, DIAB, ce que ça veut dire, c'est que tu travailles toujours en groupe à deux. Tu peux pas refaire les groupes, donc pendant toute la même séance, c'est les deux mêmes personnes qui vont être ensemble. Ils vont devoir porter le masque, respecter le 2 mètres en tout temps, puis ils vont pouvoir travailler ensemble en désinfectant le matériel régulièrement. Mais ça limite, je veux dire, si tu as deux joueurs de basket, ils peuvent pas faire des 1 contre 1 parce que la distanciation physique sera pas respectée. En volleyball, tu peux pas pratiquer les attaques des blocs parce que la distance est... Bref, tu peux juste faire des exercices. Donc, les coachs, présentement, nous, au Cégep, ils travaillent beaucoup les habiletés individuelles parce que nous, en zone orange, au Cégep, on a pu recommencer le DIAT, ce qu'on faisait avant Noël. Ouais. On a été sur pause jusqu'à la mi-novembre et là, on a recommencé on a été sur pause de la mi de début novembre à février. Puis on a pu recommencer le 15 février, là, mais avec la formule DIAT. Masque obligatoire, c'est un quart de gymnase pour 2 personnes. Personne n'a le droit d'aller dans le quart de gymnase de l'autre personne. Tu dois respecter ta place. L'entraîneur est là, porte le masque en tout temps, peut circuler un peu, mais doit limiter ses déplacements aussi à l'intérieur du gymnase. Donc, le sport d'élite, là, tout ce qu'on entend, quelque part, le football, puis ainsi de suite, là, c'est même pas, on peut pas recommencer, on n'est pas plus avancé, là. Non, effectivement, le football, c'est sûr qu'avec tant que la notion de on peut pas rentrer les deux mêmes personnes dans le 2 mètres, ben c'est impossible de faire du football. On peut faire des habiletés individuelles, mais les habiletés individuelles, c'est correct, c'est bien, mais les jeunes se lassent assez rapidement. Je te dirais que normalement, là, ça fait 2 semaines qu'on a commencé, là, ils ont la relâche, des coachs qui ont continué à pratiquer quand même. Je te dirais 2-3 semaines après la relâche, il va falloir avoir un peu plus parce que là, les jeunes vont être tannés de travailler individuellement. Puis, je veux dire, ce qu'ils veulent finalement, c'est jouer. Tu sais, nous, ce que le coach de volleyball, puis les filles de volley, puis les gars de volley, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du 6 contre 6. Ils savent qu'ils iront pas jouer contre d'autres équipes, mais au moins dans leur gymnase, faire du 4 contre 4 ou du 6 contre 6, c'est l'objectif principalement. Là, présentement, ils en sont même pas à jouer un match contre le Cégep de Chicoutimi. Les seules choses qu'ils pensent, c'est pouvoir jouer entre eux, mais jouer vraiment un style comme un match. Même chose au basket. Oui. Nos gars de basket, ce qu'ils veulent, c'est jouer. Ils vont faire du 3 contre 3, ils vont être bien heureux, mais ils veulent jouer un match, ils veulent compétitionner. C'est vraiment là qu'ils sont rendus. Ils comprennent là, les mesures et tout ça. Ah, puis, oui. Mais c'est juste que nous, je pense que hier, le gouvernement a été prudent avec la... Moi, je m'en doute. Là, je l'ai toujours dit qu'avant la fin, avant la fin de mars, donc de se donner le temps, le gouvernement va se donner le temps de voir les impacts de la relâche, va se donner le temps d'analyser un peu plus, de faire les choses, puis après ça, fin mars, ils vont peut-être commencer. Mais le fait de dire qu'on déconfine le sport progressivement, c'est le mot progressivement qu'il faut retenir parce que ça va aller lentement. Là, je pense qu'il faut mettre... On est maintenant en clair, on voit comment un peu ils agissent, ils sont très prudents. Donc, ça va prendre encore un bout avant que les jeunes puissent dire qu'ils font du sport, qu'ils jouent à leur sport. Ils vont faire des habiletés individuelles pendant encore un bon bout. Puis éventuellement, ils vont pouvoir refaire leur sport, mais ça va prendre encore quelques semaines, voire peut-être 2 mois. Là. Je ne peux pas m'avancer à ce niveau-là parce que sûr, j'ai pas d'informations. Il peut y avoir des variants, il peut y avoir toutes sortes d'affaires. T'sais, on le connaît, ce gouvernement-là n'est pas trop stable. Ils sont venus plusieurs fois sur leurs décisions. Ils ont renié leur parole plusieurs fois. Ça s'est fait, là, ça s'est vu, je n'ai pas rêvé. Là. Mais donc, est-ce non, que tu... Non, mais tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, le sport, c'est super important maintenant. Ils l'ont dit, maintenant, c'est juste de le prouver un peu, mais eux, le retour progressif puis les habiletés individuelles, c'est faire du sport. Donc, c'est correct, là, pour eux, c'est correct, mais comme je dis, moi, de mon expérience interne, de comment on voit les jeunes, ça fait pour quelques semaines, mais éventuellement, il faut qu'ils jouent. T'sais, je veux dire, moi, quand j'étais au foot, je fais de la ligne offensive, quand je jouais moi-même, quand je faisais je le faisais mon tige de ligne offensive, tu pratiques tes techniques, tes habiletés individuelles, mais j'avais juste hâte d'aller avoir un D-line et de frapper dedans. Là, c'était ça le but. Je faisais tout ça pour arriver à faire un one-on-one avec un D-line, pour éventuellement faire du inside run, du pass rush, pour éventuellement faire du 12 contre 12. Donc, il faut qu'éventuellement, on puisse arriver avec les oppositions. Puis ça, c'est le gouvernement qui va décider. Mais moi, j'ai juste hâte de voir... Ils ont dit qu'ils allaient parler d'un déconfinement progressif dans le sport. J'ai hâte de voir la façon qu'ils vont faire le déconfinement progressif. Ça va nous dire si c'est atteignable ou si c'est quelque chose qui devient impossible parce que les critères demandés sont utopiques par rapport à la situation. Je pense qu'on va voir, là, mais... Avant le printemps, ça risque d'être compliqué, malheureusement. Ben, c'est ça. Mais est-ce que c'était, selon toi, là, pour... Il y a une manif à Québec dimanche, j'étais au courant de ça. Est-ce que c'était un petit peu pour jeter un peu, pour essayer de casser cette manif-là? C'est politique, de bon... Je pense pas que c'est pour... Ben, oui, c'est sûr que la pression est forte, là, au niveau politique. C'est clair que la pression est forte, là. Les athlètes commencent à sortir. Là, c'est sûr que certains... Puis je veux dire... Je pense qu'ils sont assez intelligents pour s'en rendre compte qu'à un moment donné, là, ça fait un an, là, ils ont poussé, ils ont étiré l'élastique. Là, l'élastique, il peut pas aller plus loin. Là. Ça, je pense qu'ils le savent, ils sont assez intelligents pour le savoir. Ils ont fait des choix avant ça, c'est correct. Je veux dire, ils sont là, ils gouvernent, c'est eux qui ont pris les décisions, puis c'est eux qui avaient à prendre les décisions. Mais maintenant, je pense qu'au niveau de la jeunesse, ils peuvent plus vraiment... puis tu sais, on va se le dire aussi, là, ils font attention à cause de Montréal. Je veux dire, j'ai l'impression qu'hier, on n'a pas, tu sais, nous, on a des chiffres de quasiment vert, mais on bougera pas de couleur avant un petit bout tant que Montréal se stabilisera pas. On est un peu victime de ça. C'est plate un peu. Les médias mais bon, sont dans Montréal il faut aussi, faire avec. Puis le gouvernement gère selon les médias aussi. Ben, en fait, avec les lundis prochains, avec les nouvelles zones oranges, 60% de la population va être encore en zone rouge. Donc, ça donne une idée que, moi, je dis pas que le politique mène tout, mais, là, c'est vraiment le temps de mettre un petit peu de politique de côté. Et là, c'est vraiment de penser aux jeunes, mettre les jeunes en priorité. Puis je te dirais même que avant le sport, moi, je prêche pour le sport, c'est ma paroisse, mais avant le sport, moi, selon moi, la chose qui serait vraiment importante aussi, c'est les jeunes de secondaire 3, 4, 5 retourner à l'école à temps plein, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est pratiquement inconcevable, qui vont avoir fait une année scolaire complète, une journée sur deux. Si moi, je me replace à leur place, une journée sur deux, secondaire 3, 4 ou 5. Et Colin, je ne sais pas si j'aurais été à l'université. Oui, mais ouais, c'est ça justement, François, parce que tiens, c'est sûr que c'est un podcast de sport, mais on va quand même, on dévie un petit peu sur le sujet. On voit le nombre d'échecs qui est en forte hausse. On parle de quoi, 30% d'augmentation à peu près? Ça dépend des matières, mais ça tourne autour de ça. Je te dirais que nous, au Cégep, les gens se préparent un petit peu l'année prochaine à avoir, tu sais, on fait déjà des plans de match pour avoir des groupes de rattrapage, des choses comme ça, parce que les jeunes qui vont arriver au cégep l'année prochaine n'auront fait aucun examen du ministère de secondaire 4 et de secondaire 5. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un petit rattrapage à faire. Le cégep se prépare au niveau pédagogique. On a vraiment bien fait les choses cette année. J'ai aucun doute que la pédagogie va bien se préparer pour faire les choses après, mais ça reste que c'est beaucoup de travail pour eux. Les enseignants doivent en donner beaucoup plus. La direction doit mettre beaucoup de temps dans la planification puis dans créer des nouvelles choses, mais ils le font parce que c'est l'important, c'est le jeune, puis c'est la réussite scolaire. Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, on revient au sport, là. Le développement de l'élite, c'est tellement, tellement important, le développement de l'élite. Puis ce qu'on entend, hier, j'écoutais des témoignages, puis tu t'en fréquentes des gens de sport élite. Là. Quand tu es rendu, tu formes des joueurs de football pour l'université, on peut dire que c'est d'élite quand même. Là. Des joueurs qui avaient des invitations pour la NCAA, ils ont arrêté de s'entraîner, puis là, maintenant, ils consomment. C'est une catastrophe. Ah, il y en a peut-être. Je te dis que présentement, nous, si je regarde mes gars, Là, ils commencent à être vraiment fatigués, à commencer tranquillement, mais là, c'est vu qu'ils ont pu reprendre l'entraînement. T'sais, la zone orange a fait du bien. Ouais, nous, c'est sûr, les c'est gars, ils s'entraînent présentement. C'est en zone rouge, par exemple, c'est vrai? Là, c'est en zone non, rouge. C'est ça. Les ouais. zones rouges, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Nous, en zone orange, je le vois pas, ce que tu dis là. T'sais, moi, j'ai juste vu des gars qui sont juste bien contents de recommencer à s'entraîner. On a des nouvelles salles d'entraînement flambant neuves au Cégep. Les jeunes sont heureux, ils vont. La présence est excellente aussi. Donc ça, ça leur fait du bien. Mais c'est certain qu'en zone rouge, la réalité est différente. Puis oui, là, à ce niveau-là, ça peut devenir inquiétant. François, on va surveiller de près. Est-ce que tu vas en marche dimanche? Est-ce que tu vas être là? Non, malheureusement, avec les obligations familiales, on peut pas se déplacer jusqu'à Québec. Mais je pense qu'on est tous derrière les jeunes. Ça va être une marche qui va être assez populaire. Je te dirais que c'est beaucoup de niveau secondaire, mais ça compte aussi pour les jeunes du Cégep. Puis, moi, je te dirais que les jeunes de 10 à 25 ans sont touchés par cette marche-là. C'est important pour eux, puis c'est vraiment une façon. C'est pas qu'ils sont oui, ils ont des frustrations, oui, mais ils veulent juste se faire entendre. C'est vraiment raison, ça, la marche, c'est se faire voir, se faire entendre. Ils ont été les grands oubliés, puis c'est l'avenir du Québec. Je trouve ça incroyable là, que l'avenir, tu t'occupes pas de l'avenir du Québec. Si tu t'occupes pas de l'avenir, c'est une société qui s'en va en déclin. C'est très, me semble, c'est facile. Ils ont été un peu victimes du fait que la maladie les touchait moins, donc le gouvernement les a comme pris pour acquis qu'il devait mettre toutes ses billes vers les personnes vulnérables. C'est un choix qui, tu sais, peut se défendre aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas là pour accuser personne puis pointer du doigt. Je pense que c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. La seule chose, c'est qu'après un an, faut venir à la conclusion que pour les jeunes, ils ont assez donné, là. Maintenant, c'est le temps de les relaisser redevenir des jeunes. Oui, effectivement. François Laberge, toujours intéressant de te parler, on s'en parle bientôt. Merci. Notre ami François Laberge, c'est